je tiens cette vieille carte postale retrouvée dans des vieux papiers. Je reconnais bien l'écriture, j'ai peur de voir-la s'envoler. Des mots comme des déchirures, des mots comme des fleurs séchées, des mots aussi beaux que l'azur. Meilleurs vœux et très bonne année. Saïgon, décembre 35, je t'imagine sur la coupée. On sait quelques lignes banales au verso de la carte postale, quelques morceaux de vie choisis ne feront pas anthologie. Mais j'imagine l'éternité que tu me laisses deviner. C'est beau de vivre l'émotion d'une vie par procuration. Je veux me glisser à ta place pour un instant suivre une trace. Qui se fane au dos de cette carte postale. Je glisse mes doigts sur le voile du papier qui se fait la malle. Entre mes mains pour un instant doux parfum de ce moment. Comme une femme avant l'amour, belle amoureuse sans détour, je laisse le temps me distraire de ce parfum venu d'hier. Je tiens cette vieille carte postale retrouvée dans des vieux papiers. Je reconnais bien l'écriture, j'ai peur de voir-la s'envoler. Les mots comme des fleurs nouvelles, les mots comme de la rosée. Je garderai la carte postale de moi dans mes cahiers, et j'écrirai bien quelques cartes pour vous laisser l'éternité.